À l'occasion du 5e anniversaire de la promotion du respecté camarade Kim Jong-un au poste de commandant suprême de l'armée populaire de Corée, la Fondation de recherche du patrimoine historique du généralissime Ayacucho, Antonia Joseph Francisco de Sucre et d'Alcalá, Fondation Sucre du Venezuela, lui a offert un prison. José González Alcalá Morales, coordinateur de la chaire des idées militaires d'Hugo Chavez de l'Académie interarmée du Venezuela, l'a transmis le 19 décembre à l'ambassadeur coréen dans son pays.